J'ai des arrêts de fièvre, remplir des salles, vu de tête, et j'en pour qu'on fabrique des barres et qu'on peigne dans le sang. J'ai mis des tas de cœurs à faire des océans, vider la tête, des gens pour qu'on mène.